C'est un contestable, il n'est pas fait pour toi. Tu es inconsolable, me demande pas pourquoi. C'est l'inconvénient des hommes incompétents. Il est incontrôlable et il se fout de toi. C'est un con. Destin contrarié finira dans un mur. Le matin contribue à rendre un peu plus dur l'oubli inconditionnel de cette vieille ordure. L'oubli inconditionnel de cette pauvre enflure. C'est un con.